de partir. Je sais où je vais mourir. Au fond d'une rue, au mur mouillé, à l'hôtel des cœurs brisés. Et je serai si seul, mon Dieu. Oh, je serai si seul. Oh, je serai si seul à en mourir. Oui, des larmes du grand coulent sans cesse. Le portier tout en noir, car ils sont restés dans la détresse. On ne pourra plus jamais les revoir. Et ils se sentent si seuls. Oui, ils se sentent si seuls. Oh, ils se sentent si seuls qu'ils pourraient mourir. Oui, l'hôtel est toujours complet. Et je sais qu'il y a une place pour ceux qui ont le cœur brisé par un amour déchiré. Et ils se sentent si seuls, mon vieux. Oui, ils se sentent si seuls. Ils se sentent si seuls à en mourir. Oui, si ton amour va partir, tu choisis de mourir. Va dans la rue, au mur mouillé, à l'hôtel. Je sais où je vais mourir.